Hey, Julie, ma recherche d'emploi n'avance pas. J'ai besoin de changement et de monter en compétences. Et je cherche un organisme sûr. Passe par le Greta. Ils ont un grand choix de formation dans une dizaine de secteurs, du CAP au Bac plus 5. C'est pas trop compliqué? Mais non, ils te guideront et t'expliqueront comment actionner les bons financements. Beaucoup de formations sont financées par la région Bretagne. Cool, je les appelle. France Inter. Bonjour Blockbuster, bonjour Frédéric, c'est fini les vacances, allez au boulot, ouais! Ça va être cool pour nous de finir cette mois d'août avec toi, qu'on écoute tous les jours avec tout le monde. Bisous! To be or not to be, not to be. Mais quel bel été on a eu, vous ne trouvez pas? Moi, durant mes vacances, j'ai suivi de loin l'actualité française et je peux désormais vous assurer que ce pays n'a officiellement plus aucun problème. Si, je suis désolé. Je suis désolé de vous le dire, mais quand médiatiquement tu passes une semaine sur Juliette Armanet qui déteste le lac du Connemara de Michel Sardou, c'est que tu n'as officiellement plus d'autres problèmes. Mais quelle polémique, what the fuck, je vous jure. Des fois, j'ai l'impression qu'on a tous déménagé dans un épisode de South Park. Déjà, quand j'ai entendu Juliette Armanet déclarer que la chanson qui pouvait lui faire quitter une soirée, c'était le lac du Connemara, j'ai eu la même réaction que l'amiral Akbar, vous savez, l'extraterrestre qui ressemble à un calamar dans Star Wars. Je me suis dit, it's a trap! Ne rentre surtout pas dans cette polémique, c'est un piège à con! Là, on n'est même plus dans un cliché, on est dans le Superman des clichés. Juliette Armanet, artiste fétiche de la playlist de France Inter, qui défonce une chanson du chanteur de droite le plus connu de France. Le genre de gars qui ne sourit que quand il roule sur un conducteur de trottinette en SUV. Je veux dire, autant aller jouer à la piñata avec un essaim d'abeilles, tirer la queue d'un pitbull ou jouer à un 2-3 soleil sur l'autoroute. Y a pas un seul scénario dans lequel ça va bien se passer. Personnellement, j'avais rien vu d'aussi beau depuis les superstars du catch. Je suis étonné que tout ça, ça soit pas réglé dans un octogone. Tout le monde a évidemment joué sa partition sans un couac. Tous les amateurs de Michel Sardou, et ils sont nombreux, sont tombés sur la pauvre Juliette Armanet, telle des hyènes sur un morceau de chorizo. Et toute la gauchosphère s'est sentie obligée d'apporter son soutien à la chanteuse en répétant qu'il boycotterait désormais ce chanteur qu'il n'écoutait déjà pas. Pensée émue pour ces milliers de Français un peu bourrés qui hésitent désormais à hurler « Terre brûlée » à 2h du matin de peur de cautionner l'invasion de la Pologne en 36. William Shakespeare a dit que le monde entier était un théâtre où nous tous, hommes et femmes, n'en étions que les acteurs. Il aurait pu préciser qu'en été, on jouait extrêmement mal. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. It's a pretty big case. On vous accuse d'un crime grave. Criminal conspiracy. Conspiration criminelle. That's what they charged me. C'est la charge retenue contre moi. I carried a suitcase of money. J'ai transporté une valise pleine d'argent. D'argent provenant de la drogue. Une fois. 10 years ago. Il y a 10 ans. What's the statute? Quel est le délai de prescription d'un tel délit? 12 ans. That's tough. Pas de chance. What did your lawyers? Qu'est-ce que votre avocat en a dit? Qu'à cause des peines minimales imposées pour les crimes liés à la drogue, il fallait éviter un procès. J'ai donc accepté la sentence. And here you are. Et vous voilà. Here I am. Oui. Aux frais des contribuables et aux sueurs là face à moi. Vous savez, je travaille ici depuis 22 ans et je n'arrive toujours pas à comprendre comment fonctionne notre système judiciaire. J'ai ici une dealeuse de crack qui en a pris pour 9 mois et une autre femme qui a par inadvertance renversé un facteur en faisant une marche arrière et qui se retrouve enfermée ici pour 4 ans. C'est vrai que le facteur s'est cassé l'épaule, mais quand même, je comprends pas. Mademoiselle Chapman, vous n'aurez de problème avec personne ici, sauf si vous les cherchez. On n'est pas dans un épisode d'Oz. Les femmes se battent à coups de commérages et de rumeurs. Certaines pourront penser que vous êtes riche et tenter de vous soutirer de l'argent pour s'acheter des trucs au magasin de la prison. Et puis, il y a les lesbiennes. Nous ne vous ennuierons pas, mais essayerons de devenir vos amis. Gardez vos distances avec ces femmes. Je veux que vous compreniez bien une chose. Vous n'êtes en aucun cas obligé de céder à ces lesbiennes et de coucher avec elles. Si l'époque où nous ne jurions que par les séries semble déjà loin, la faute à une surproduction et une explosion mortifère des plateformes et des abonnements qui vont avec, il ne faut pas oublier qu'à un moment, Netflix, c'était le parfum, la tendance du moment, avec des séries telles que House of Cards, Stranger Things et Orange is the New Black. Une série sur le milieu carcéral féminin qui délivrait des portraits de femmes complexes, d'âge, de culture et de physique différents, avec une diversité encore rarement égalée jusqu'à aujourd'hui. Bien plus audacieuse et avant-gardiste qu'il n'y paraît, à l'aune de la crise qui agite actuellement le milieu des séries et les films américains, Orange is the New Black mérite un second ou un premier visionnage. Et pour vous expliquer pourquoi, je suis accompagné de Ariane Allard, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma et de séries pour Causette et la revue Positif. Mmh. Vous êtes également chroniqueuse au Masque et la Plume sur France Inter et membre de l'association des critiques de séries. Bah bonjour Frédéric, bonjour à toutes. Avec nous également Rachel Gara-Valcarcel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à 20 minutes et membre de l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans qui œuvre pour un meilleur traitement des questions LGBT dans les médias. Absolument. Avec nous également Hélène Breda, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'université Sorbonne Paris-Nord et également l'autrice de « Les féminismes à l'ère d'Internet, lutter entre anciens et nouveaux espaces médiatiques » aux éditions de l'INA. Tout à fait. Tu m'as fait peur. Ouais, ça m'arrive souvent. No party for you. Tu vas pas à la fête de Tricia? Non. You're wicked. Qu'est-ce qui va pas, sœurette? Je crois que je me suis mis la vieille cloutette à dos pour de bon. You know how some people have imaginary. Tu sais, il y a parfois des gens qui ont des amis imaginaires. I think you might have. Je crois que toi, c'est des ennemis imaginaires que tu te fabriques. Did she say? Au fait, qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Miss Claudette? La vieille Claudette? Non, je voulais dire Alex. Wouldn't you like to know? T'aimerais que je te répète ce qu'elle a dit? Ah ouais. Oui, j'aimerais savoir. She said you were a squirter. Elle a dit que t'étais une femme fontaine. I don't know. Once, it happened once. C'est juste... By surprise. Une fois, c'est arrivé une fois. On a toutes les deux été totalement surprises. I was kidding. Une plaisanterie. J'ai dit ça au hasard, mais je suis ravie de l'apprendre. En tout cas, quel qu'il soit, elle garde bien tes petits secrets. Mais je sais comment te les faire avouer maintenant. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode 4 de la saison 1 avec Piper Chapman interprétée par Taylor Chilling et doublée par Maya Baron et Nikki Nichols interprétée par Natasha Lyonne doublée par Delphine Morio. Alors, ma première question, Rachel Gara-Valcarcel, c'est de quoi parle Orange is the New Black, s'il vous plaît ? L'histoire, c'est Piper Chapman qui va rentrer en prison pour 15 mois parce que 10 ans avant, pour son ex-compagne qui était trafiquante de drogue, elle a transporté une fois une valise d'argent sale. Sauf que depuis, elle s'est rangée des voitures d'une certaine manière. Elle est fiancée à un homme à New York. Ils sont tous les deux dans la... au minimum dans la classe moyenne supérieure, très libérale à l'américaine, très démocrate, très ouvert. Et puis, elle se retrouve donc à aller en prison où elle va rencontrer des femmes qu'elle n'aurait peut-être pas rencontrées autrement. Ariane Allard, quand Orange is the New Black est arrivé sur la plateforme Netflix, à quoi ressemblait le paysage des séries qui mettaient des femmes en avant ? C'était une version assez traditionnelle, c'est-à-dire c'était pas les héroïnes, c'était les fiancées des héros, souvent les filles. C'était un peu des personnages accessoires. C'était souvent des femmes blanches aussi. On en parlera un peu plus avec cette série. C'était des femmes qui étaient souvent en tailleur, juchées sur des stilettos et des talons hauts. Je fais exprès de donner tous ces détails parce qu'évidemment, Orange is the New Black, ça va jouer exactement l'opposé. Si ce n'est l'opposé, en tout cas, la diversité. C'est-à-dire qu'on va voir des femmes qu'on n'avait jamais vues dans des séries et jamais au premier plan comme Orange le fait avec elles. Hélène Breda, comment est né ce projet ? Parce qu'on sait que la première série qui s'est fait connaître via la plateforme Netflix, c'était House of Cards. Mais vraiment, celle qui a concrétisé même l'adhésion du grand public à Netflix, c'est Orange is the New Black. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais ça a été une série qui a été vue par des millions de personnes. Oui, ça a été un énorme succès critique et public de Netflix. Effectivement, c'est la troisième, c'est ce qu'on appelle Netflix Originals, donc série originale produite par Netflix après, vous l'avez dit, House of Cards et Hemlock Grove, qui est une série ado un peu de vampire. Et alors, j'ai pas les détails de la manière dont s'est organisée la production. Enfin, ils ont acheté les droits du livre il y a plusieurs années de pré-prod. Oui, parce évidemment. Que c'est un livre à la base. C'est un livre. Voilà. L'autrice du livre a réellement vécu le point de départ de l'histoire. A été en prison, a tiré un livre, un roman de cette expérience carcérale et du roman a été adapté la série. Rachel Gara, il y a aussi une showrunneuse derrière cette série qui était déjà responsable d'une autre série qui avait très bien marché, qui s'appelle Weeds. Tout à fait. Effectivement, ouais, elle a acheté les droits de cette série de Piper Kerman, je crois. C'est alors que l'héroïne dans la série s'appelle Piper Chapman. Oui, effectivement, c'était audacieux. Elle explique que Parce que voilà, c'était, on était un peu en terre inconnue hein, sur Laverne Cox, quand elle, qui est l'une des actrices de la série, disait qu'elle allait jouer dans une web série pour Netflix. Bon, ça paraît évidemment très très loin, mais j'avais lu qu'elle avait été séduite par le fait que finalement elle n'avait pas besoin de pilote et que tout de suite, de toute façon, on lui donnait le budget pour ses 13 épisodes de la première saison. Est-ce que c'est des saisons de 13 épisodes? Ariane Allard. C'est vrai qu'on a commencé cette émission et on commence cette série avec Piper Chapman, mais très rapidement, Orange is the New Black devient complètement autre chose. On sent que Piper est la porte d'entrée vers des portraits de femmes qui sont très très diversifiés et qui se retrouvent en prison. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, évidemment, la prison joue un rôle, mais c'est surtout des tranches de vie de femmes. C'est ça. En fait, la créatrice, la showrunneuse Jenji Kohan disait de Piper Chapman que c'était son cheval de Troie. C'est-à-dire que pour faire un peu avaler la pilule aux grands décideurs de la plateforme de Netflix, elle s'était dit on va prendre une blondinette de bonne famille, blanche, etc., qui va en fait être notre propre regard sur ce monde carcéral qu'on ne connaît pas. Mais elle, évidemment, ce qui l'intéressait, c'était de parler des... Enfin, Piper est quand même une fille intéressante et complexe. Oui, hein. Et Taylor Schilling est excellente. Absolument. Et en plus, elle évolue, elle a un vrai parcours. Au départ, c'est une pauvre petite chose fragile. Mais c'est rarement le personnage qu'on retient. Voilà. Et en fait, c'est le personnage principal de la saison 1. Et très vite, dès la saison 2, elle devient un personnage secondaire intéressant, hein, je le précise. Mais c'est évidemment tous les personnages qui apparaissent dès la saison 1, qui sont soi-disant des personnages récurrents en secondaire, qui vont tous accéder à un statut de personnages principaux. Et la diversité, elle est là. C'est-à-dire que c'est des femmes noires, c'est des femmes latinos, c'est des femmes âgées aussi. On n'en voyait jamais des femmes âgées, voire très âgées, hein, dans une série. Ce sont des femmes avec des corps, moi j'y tiens, c'est vraiment important qu'on voyait peu. C'est-à-dire que c'est des femmes qu'on voit dans la rue, hein. Celles-là, nous, on les connaît, on les voit tous les jours. C'est des femmes, du coup, qui sont pas maquillées, c'est ça. Qui sont toutes habillées en uniforme. Elles se maquillent certaines parce qu'elles trichent. Oui, un tout petit peu, voilà. Mais enfin, pas du tout comme on les verrait dans d'autres séries. Bien elles sûr. Sont toutes habillées de la même manière, donc ça, il y a une sorte de nivellement, du coup. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la prison permet à la fois de réunir des gens, enfin, extrêmement différents, dans un espace clos, des gens qui normalement, dans la vraie vie, je pense, ne se rencontrent pas, parce que les latinos, les noirs, les blanches, c'est quand même surtout aux États-Unis, hein, c'est très, ce sont des communautés, en fait, et l'uniforme donne un sentiment d'uniformisation, c'est par principe, alors qu'en fait, toute la série va nous montrer le contraire, c'est-à-dire toute la série va nous montrer que derrière cet uniforme beige, il y a des personnalités extraordinairement singulières, flamboyante et hyper attachante. Hélène Breda, est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de petit de rapide et historique des représentations des femmes en série? Parce que c'est vrai que tout d'un coup, avec Orange the New Black, on a l'impression qu'il y a une porte vers tous les possibles qui s'est ouverte, mais jusqu'à maintenant, ça avait l'air d'être un petit peu plus étriqué. Oui, c'est un peu ce que disait Ariane tout à l'heure. Hein, effectivement, les femmes soient comme accessoires dans la narration, en jeu amoureux, etc., ou alors des femmes dans des séries marketées girly, hein, à la Sex and the City, voilà. Des choses comme ça. Donc, comme ça a été dit, hein, blanche dans des milieux glamour, sexualisée, avec tous les artifices connotés féminins également. Enfin, là, on rejoint le fait que dans Orange is the New Black, elles sont pas ou peu maquillées, elles ont des physiques banales. Donc, il y a eu des évolutions aussi au fil des décennies, sur les rôles d'actantes des femmes dans les séries. On a deux antécédents. On peut penser à des héroïnes d'action comme Buffy, des choses comme ça, oui, dans les années 90. Donc, Orange is the New Black n'a pas inventé la poudre. Hein. Il y a une ascendance Même évidente. Scandale aussi. Scandale, voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup penser à Grey's Anatomy, pour moi aussi. Oui. Un peu une grande sœur de Orange is the New Black, parce qu'on est déjà sur une série chorale qui permet d'avoir un éventail de personnages féminins divers, variée, qui et c'est un peu le même principe, hein. Meredith Grey, au début, c'est l'héroïne qui nous fait entrer dans l'hôpital, et puis après on est complètement décentré de son regard à elle. On a des figures féminines, mais on a aussi beaucoup de figures masculines dans Grey, c'est aussi la différence. Et aussi peut-être dire que voilà, finalement les séries féminines, elles sont très héritières du soap. Pendant des décennies, les séries connotées féminines, enfin marketées pour des publics féminins aussi, c'était le soap opéra, donc c'était dévalué, c'était méprisé. Parallèlement ou à contrario des séries masculines plus prestigieuses, plus d'action, policières, de science-fiction, médicales, ce que vous voulez. Et puis, les évolutions de la télévision américaine a permis d'hybrider ces formes-là pour créer des choses intéressantes. Oui, là, c'est une grande série dramatique, quoi. Oui. Ça devient une grande série dramatique. Oui, Ariane. Peut-être rajouter juste une chose, en t'écoutant, qu'en fait, Orange is the New Black a juste imposé un truc qu'on ne connaissait pas encore bien et qu'on ne nommait pas en France, qui s'appelle le female gaze. C'est-à-dire que les séries, jusqu'à présent, c'était ce qu'on appelle le male gaze. C'est une expression américaine qui signifie le regard masculin, mais pas que le regard masculin, le fantasme masculin. Or là, tout à coup, c'est un regard féminin qui est posé sur des femmes. Donc voilà, et c'est vrai qu'il faut le préciser, ce show est quand même un show où il y a énormément... c'est une créatrice, une showrunneuse, dans la salle d'écriture, il y a quand même beaucoup de femmes, hein, même s'il y a aussi des hommes, et c'est important, je pense. En fait, aujourd'hui, nous, on est en 2023, donc ça nous paraît, entre guillemets, parce que c'est pas forcément complètement normal, mais en tout cas, pas aussi nouveau que ça. En 2013, c'était hyper neuf. C'était un autre monde. Ouais. Oui, d'ailleurs, on voit encore même les polémiques qui peuvent agiter les sorties de films tels que Barbie ou ce genre de choses. C'est pas encore rentré complètement dans les mœurs d'avoir un regard féminin et un discours féminin tel qu'on l'entend. Mais Orange is the New Black, c'est évidemment une série, mais aussi un générique incroyable qui nous donne accès à ces visages de femmes comme ça qui vont marquer immédiatement. Qui sont des vraies prisonnières. Qui sont des vraies prisonnières. Avec ce titre de Regina Spektor, You've Got Time, qu'on écoute. So good. Blockbuster sur France Inter. Vous devez comprendre que la prison n'a plus les moyens de vous fournir vos anciennes hormones. Si je n'avale pas des hormones à haute dose, je vais avoir des réactions de manque, bouffées de chaleur, sueur nocturne. Mon corps va s'affaisser, mes poils vont se remettre à pousser. Ok, pas besoin d'entrer dans les détails. Laissez-moi vous expliquer une chose. Quand mon pénis a été séparé en deux et inversé, mes testicules m'ont été enlevés, ce qui fait que mon corps ne produit plus de testostérone pour remplacer l'œstrogène que vous voulez aussi m'enlever. Que voulez-vous exactement ? J'exige de voir un docteur. Vous ne pouvez aller à l'hôpital qu'en cas d'extrême urgence. C'est un cas d'extrême urgence, Ily. Nous ne partageons pas cet avis, désolé. C'était un extrait de l'épisode 3 de la première saison d'Orange is the New Black avec Sophia Burset, interprétée par l'incroyable Laverne Cox, doublée en français par Laurence César, et le conseiller Sam Ely, interprété par Michael Arnay et doublée en français par Robert Guimard. Ce personnage de Sophia Burset, c'est aussi quelque chose de totalement nouveau dans le paysage des séries américaines. Alors, c'est pas exactement la première. Quelques années avant, en 2007, il y avait eu Candice Cain dans une série qui s'appelait Dirty Sexy Money sur ABC, donc sur un gros réseau. Mais c'est vrai que c'est pas une série qui a vraiment passé à la postérité et pas vraiment passé l'Atlantique non plus. C'est la première fois qu'il y a, mais en revanche, c'est la première fois qu'il y a un personnage, une femme trans récurrente dans une série qui va avoir un énorme succès. Et jouée aussi, surtout, par une femme c'est trans. Ça. Oui, parce que du coup, l'actrice Laverne Cox est devenue une sorte de d'égérie aussi. Ouais, il y a eu quelque chose qui a changé. Encore une fois, c'était il y a 10 ans et c'est vraiment pas le même monde, quoi. La question, le traitement des personnes trans, bon, qui n'est aujourd'hui clairement pas idyllique, était inexistant il y a 10 ans pour tout dire. Et c'est vrai que je crois que c'est en 2014, donc un an après à peine le début de la série, le Time, le grand magazine américain, fait sa une avec Laverne Cox, tête haute sur sa une, avec The Transgender Tipping Point, donc le point de bascule transgenre, avec en sous-titre la prochaine frontière des droits civiques américains. Et ça veut dire quelque chose quand même aux États-Unis, cette question de la conquête des droits civiques, là en l'occurrence les droits des personnes trans. Ça dit des choses très intéressantes sur la manière dont la fiction s'invite dans le débat social, en tout cas permet de faire progresser certains débats sociaux, enfin, attestent de certaines évolutions des mentalités, voire les influx, on ne sait pas trop dans quel sens ça marche, mais la série a ouvert beaucoup de discussions. Ouais. Et justement, c'est ça qui m'intéresse particulièrement, c'est que c'est la deuxième série de Netflix. C'est Netflix qui, à l'époque, avait besoin de convaincre. Donc, est-ce que vous avez des hypothèses sur le choix de choisir des sujets assez clivants? Parce qu'on sait que c'est pas des débats qui sont tranquilles. Et là, avec Orange is the New Black, directement on invite un point de vue féminin où on parle évidemment de plein de communautés LGBT, de transidentité. C'était audacieux pour l'époque. Je crois que quand on écoute globalement Blockbusters depuis quelques années, on apprend que les grandes séries qui marquent des ruptures demandent à un moment donné un petit peu d'audace, demandent à un moment donné un pas de côté par rapport à ce qui se faisait jusque-là. Et alors, c'est une hypothèse, mais Netflix, à ce moment-là, donc c'est la troisième série originale, il faut bien sortir de l'ordinaire, il faut bien montrer qu'il y a une raison de s'abonner à Netflix, quoi. Oui, et Netflix a vraiment, enfin, c'est vraiment Orange is the New Black qui a lancé ce qui est devenu l'image de marque de Netflix. La plateforme a construit son image de marque sur un progressisme vis-à-vis des droits des femmes, des personnes minorisées, donc LGBT, personnes racisées, etc., ce qu'on appelle par exemple le Netflix Feminism, et puis plus largement, ça a été une manière pour Netflix de se positionner à la pointe et de capitaliser sur ces questions sociales, et puis parce que ça fait vendre en fait, enfin, en tout cas parce qu'il y a des demandes, hein. C'est pas voilà, il y a pas un grand méchant lobby woke qui s'est infiltré chez Netflix pour faire des séries comme ça. Si ça marche, c'est parce que Netflix a compris qu'il y avait des besoins, qu'il y avait des demandes, et s'est complètement positionné là-dessus. Et Orange is the New Black, c'est vraiment le début de ce phénomène-là qu'on observe encore aujourd'hui. Rien à l'air. Puis moi, je pense aussi qu'on est 2013, c'est un moment où on est dans une transition, c'est-à-dire qu'on passe de l'ère télévisuelle, et notamment de la télévision de prestige avec HBO, parce qu'en fait, là, je pense que Netflix se positionne clairement vis-à-vis, si ce n'est contre HBO. Moi, je sais qu'à l'époque, moi, c'était ces programmes-là que je regardais. Et on est en train de passer de cette ère-là, télévisuelle, télé de prestige. C'est-à-dire que c'était presque un peu comme il y a eu dans les années 70 pour le cinéma, le nouvel Hollywood. Et il y avait les nouvelles séries, via HBO notamment. Et on est en train de passer à ce qu'on a appelé ensuite les plateformes de streaming. Et Netflix se positionne, et pour se positionner en tête, parce que vous vous rappelez quand même que Netflix, au départ, c'est une société qui louait des DVD par la poste. Hein. Donc ça, on a complètement oublié. Et ensuite, elle a acheté des contenus qui n'étaient pas les siens. Et ensuite, c'est devenu un studio de production. Et moi, je pense que pour se positionner et pour gagner, en fait, elle était en quelque sorte obligée de créer des contenus qui soient effectivement culottés, audacieux et à la pointe, justement, des droits, comme tu le disais si bien. Quand vous êtes un grand réseau américain, vous avez besoin, pour vos grandes séries de prime time, d'adopter forcément un point de vue un peu rassembleur, du coup, qui moyennise un peu tout. Puis c'est toujours pareil, quand on veut être rassembleur, bah finalement, on finit toujours tombé sur des blancs hétéros, quoi. Si vous avez l'occasion de prendre plus de risques, d'amener, en fait, des récits qui n'existaient pas vraiment dans le champ médiatique, ben, c'est peut-être plus facile quand vous êtes une plateforme de vidéo. Et Orange is the New Black est une série qu'on a entendue dramatique, qui aborde beaucoup de tragédies personnelles, intimes, mais c'est aussi une série très drôle. Donc, est-ce qu'on arrive facilement à classer Orange is the New Black? Parce que moi qui ai vu tous les épisodes, il y a autant d'épisodes qui m'ont fait rire que d'autres qui m'ont ému aux larmes. Mmh. Ouais, c'est très difficile, je trouve. J'ai regardé en vitesse la semaine dernière et mon souvenir, c'était qu'on avait une première partie qui était beaucoup plus comique, une deuxième partie qui était beaucoup plus dramatique. En fait, c'est dramatique dès le début, c'est très drôle. C'est peut-être vers la fin où il y a moins d'occasions de rire, où le rire se cache dans des réflexions de personnages qui sont drôles déjà. Mais ouais, c'est extrêmement difficile de la catégoriser, je trouve. Je trouve que c'est assez pertinent par rapport à ce qu'elle veut raconter. C'est-à-dire qu'elle, c'est une série qui veut parler de la diversité. Et elle joue précisément, elle aussi, le côté hybride des choses. Donc aujourd'hui, c'est devenu un terme un peu courant. On parle de dramédie, qui est un terme qui m'énerve un peu personnellement. Donc c'est à la fois de la comédie et du drame, mais c'est beaucoup plus que ça, moi, je trouve, cette série. Parce que c'est à la fois bien documenté, mais c'est pas complètement réaliste. C'est à la fois loufoque, mais tu l'as dit, c'est aussi très émouvant. C'est comique, c'est tragique. Moi, je pense que surtout, ça a inventé une petite musique très personnelle et très entêtante, et c'est une des premières séries à avoir trouvé cette note que je trouve personnellement assez juste. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on pourrait retrouver aussi dans certains films de Pedro Almodovar, ce mélange de genres, mais par contre là pour le coup avec le côté romanesque. Mais ça choquerait personne. Non, mais bon, le cinéma a une autre écriture, c'est une écriture beaucoup plus synthétique et fulgurante, je dirais, alors que l'écriture sérielle, c'est une écriture qui creuse, quoi, qui est sur la durée, qui creuse aussi les personnages et les trajectoires des personnages. Hélène Derrida, vous étudiez la narratologie dans les séries. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la narratologie et comment elle se présente dans Orange is the New Black? Alors oui, Ariane vient de me faire une passerelle parfaite pour en parler. La narratologie, au départ, c'est une discipline pas forcément très amusante, mais qui permet d'analyser la construction des récits, pour le dire très vite et très simplement. Et moi, ce qui m'intéressait dans mes recherches il y a une dizaine d'années, à l'époque où j'écrivais ma thèse et où Orange is the New Black est sorti, c'est de mettre en lien la construction des récits, alors que ce soit les trajectoires de personnages, comme on le disait, et puis c'est aussi la construction de l'histoire au montage, notamment les jeux sur la temporalité, des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça s'articule avec les représentations sociales, avec des systèmes sociaux, en tout cas avec des trajectoires de personnages qui peuvent aussi traduire des rapports de domination, des rapports d'alliance, des rapports d'opposition, etc. Et quand on superpose ça avec des questions d'identité, ça devient quelque chose d'intéressant, ça devient pour moi un outil d'analyse des représentations sociales et pas juste un outil pour dire, voilà, il y a des flashbacks, il y a des flash-forwards, il y a des univers parallèles dans Lost, des choses comme ça. Et effectivement, on a ça dans Orange is the New Black, puisque à la fois on a des trajectoires de plein de personnages qui se nouent, se dénouent au fil des épisodes. Et on a aussi des jeux sur la temporalité avec tous les flashbacks qui nous montrent le passé et qui vont apporter de la profondeur à ces protagonistes qui sont de plus en plus nombreuses. Et la dilution de l'identité de Piper, qui est au départ la protagoniste dans cet ensemble choral de plus en plus vaste, c'est quelque chose de très intéressant à analyser. Et assez neuf, je trouve. Et j'ai vu un spectacle d'Ali Zeniter où elle explique, le titre c'est « Je suis une fille sans histoire », la nécessité de créer des nouveaux récits qui correspondent à des nouvelles voix qui s'expriment. Est-ce que Orange is the New Black pourrait être un de ces nouveaux récits justement? Moi, enfin, je pense que c'est surtout un récit qui nous fait entendre des voix qu'on n'entendait pas. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je pense qu'après on parlera certainement des héritiers, enfin, et des héritières surtout, c'est que on s'est rendu compte qu'en faisant parler ces minorités, enfin, dites, présentées comme des minorités, en fait, c'était payant à tout point de vue. C'est-à-dire de façon sonnante et trébuchante, mais même au niveau éditorial. C'est-à-dire que, en fait, ça a généré, ça a fécondé, en fait, plein d'autres récits. Oui, parce que les femmes, elles représentent la majorité de la population, finalement, quand même. Oui, rappelons-le. Hélène. Oui, moi, ce que je trouve ça intéressant, c'est que des nouveaux récits, alors, ça, c'est le fruit, encore une fois, d'une histoire longue des fictions sérielles. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce que je trouve intéressant dans cette série-là, c'est que des personnages complexes, ambigus, torturés, on en avait déjà, mais c'était des hommes. Oui. C'était Tony Soprano, c'était Walter White dans Breaking Bad, c'était des choses comme ça. Et là, on reprend ce procédé de nouveaux personnages, de nouveaux anti-héros, nouveaux, voilà, personnages imparfaits, mais fascinants, dans une structure qui emprunte au soap-opéra, et ça donne quelque chose d'inédit. Enfin voilà, c'est encore une fois cette hybridation de différentes choses que je trouve intéressantes. Nous sommes ensemble pour reparler The Range is the New Black, mais pour le moment, on va écouter Jane qui nous interprète The Fool. Walking on the wire from Earth to Venus ground, playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in outer space, I should have known better. A rain of fiery rocks, the sun up the dark. Je veux vraiment qu'on s'entende, je te jure. But I can't pretend to believe in something. Mais je peux pas faire semblant de croire à des choses que je crois pas, comme en Dieu. Au début, on a toutes des doutes. No, see, this isn't doubt. Non, je n'ai pas des doutes. I believe in science. Je crois à la science. I believe in evolution. Je crois à la théorie de l'évolution. I believe in Nate Silver, je crois en Nate Silver et Neil deGrasse Tyson et Christopher Hitchens, même si je dois admettre qu'ils se comportent parfois comme un trou du cul. I cannot get je ne peux pas aimer un être suprême qui cautionne les Tony Awards pendant qu'un million de personnes se font tuer à coups de machette. Je ne crois pas qu'un million d'Indiens iront en enfer. Je ne crois pas qu'on développe un cancer pour en tirer une leçon. Ni que des gens meurent jeunes parce que Dieu a besoin d'un ange. Tout ça, c'est un beau paquet de conneries. Et je crois qu'on le sait toutes, chacune à notre niveau. Vous êtes d'accord? Le truc des anges, ça me semble un peu désespéré. Je croyais que tu étais chrétienne. Ouais, mais je... Me pose tes questions. Écoute, je comprends que la religion puisse permettre d'affronter plus facilement toutes les choses merdiques qui nous ont amenés ici. Et j'aimerais vraiment réussir à y croire. Je me sentirais mieux, peut-être, mais j'y arrive pas. La spiritualité ne me suffit pas. Je préfère ce qui est réel. Je dois y aller. Je voulais qu'on devienne amis. J'espère que Dieu te rend heureuse, vraiment. Un extrait de l'épisode 12 de la saison 1 avec Tiffany Doggett, interprétée par Taryn Manning et doublée par Nancy Philippot. Alors, Hélène Breda, dans Orange the New Black, tous les détenus s'organisent en communauté. Qu'est-ce que ça raconte de la société américaine ? Alors, c'est intéressant parce que effectivement, on le voit dès l'arrivée de Piper dans le pilote dans la prison. Les nouvelles arrivantes sont dispatchées en fonction de leur origine ethno-raciale. Alors, par là, on n'entend pas forcément une essence biologique, c'est vraiment basé à partir de leur apparence, comment elles sont perçues. Elles sont assignées d'office à l'un ou l'autre groupe, quand bien même elles ne s'y reconnaissent pas. Et la prison est aussi organisée de cette manière, notamment les dortoirs. Hein, les hispano-américaines sont dans ce qu'ils appellent Spanish Harlem. Les blanches dans the suburbs, donc la banlieue chic. Hein, suburbs, c'est les banlieues de Desperate Housewives. Donc, il y a une organisation sociale basée sur les origines réelles ou supposées des personnages, qui fait que, en tout cas dans la première saison, il y a des histoires qui sont racontées en parallèle, sans vraiment interagir les unes avec les autres, qui sont des histoires entre blanches, des histoires entre afro-américaines, des histoires entre hispano-américaines, etc. Évidemment, au fil des épisodes et des saisons, ça gagne en complexité, et les rapports entre ces différents groupes se densifient, s'intensifient, que ce soit des rivalités ou des alliances. Mais évidemment, ce qui est représenté là, ça fait écho à des réalités de l'organisation de la société américaine où on peut renvoyer cette notion de communautarisme, mais pas de communautarisme en tant que repliement sur soi, mais plutôt en tant que résistance entre personnes, solidarité entre personnes qui subissent une même oppression et qui du coup vont se retrouver entre elles pour être plus fortes. C'est l'idée de la famille en fait. À un moment donné, voilà. Daya, c'est un des personnages du clan latino. Bon, je veux pas trop spoiler. Disons qu'elle parle avec un gardien avec lequel elle a des liens. Et d'une autre détenue latina, et lui lui dit du mal d'elle. Enfin, il est en conflit avec elle. Et elle lui dit, moi non plus, je l'aime pas, mais c'est la famille. Donc c'est la famille, donc on n'y touche pas. Et je pense que c'est exactement la même chose dans les autres. C'est-à-dire que ce sentiment de clan est très important. Bon, c'est pas complètement par hasard non plus, hein, puisqu'elles ont tout laissé à l'extérieur. Parce que en fait, on l'a peut-être pas dit, mais il y a quasiment rien qui est tourné à l'extérieur. Même s'il y a quand même un extérieur à la prison. Il y a très une petite cour intérieure, qui est vraiment... On voit des champs, parce qu'à un moment donné, il y a une piste pour d'athlétisme. Il y a aussi une serre un peu plus tard dans une... Mais en fait, tout est tourné à l'intérieur. Et donc, il y a beaucoup de hors-champ, comme on dit au cinéma, mais c'est ça, le côté vase clos. Et ce côté vase clos, moi je pense par rapport à ce que tu disais sur le côté communautaire, bien sûr que c'est très clanique et qu'elles sont toutes séparées et qu'elles résonnent en termes de famille, mais en même temps, elles sont confrontées les unes aux autres comme probablement elles ne le seront jamais à l'extérieur. Et d'ailleurs, j'ai eu le sentiment, peut-être à tort, que le cœur émotionnel de cette série constituait aussi le cœur communautaire d'une Amérique divisée. C'était les Afro-Américains, c'est-à-dire les personnages, le personnage de Pousset, le personnage de Suzanne, Tessie. C'est assez même assez rare de voir une série qui donne la parole à des femmes noires, d'âge, de physique différent, et là où d'habitude... De sexualité différente. Oui, aussi. Et aussi avec des problèmes, des problèmes psychologiques, des maladies mentales, avec des gens qui devraient plus avoir leur place, logiquement, dans un institut que dans une prison. Oui. Bah, en fait, moi, j'ai fait une toute petite recherche très très rapide, hein, parce que je voulais quand même avoir des chiffres, et en fait, il y a peu de chiffres, hein, quand même, en termes, voilà, de de population, etc., hommes, femmes, genrés, et tout ça. Mais j'ai vu en 2017 que les femmes américaines noires étaient deux fois plus incarcérées que les femmes blanches. Donc c'est aussi ça que ça raconte, cette série. Parce que cette série, même s'il y a un contenu, je dirais, politique par rapport à tout ce qui est représentation hein, des femmes, il y a aussi un contenu par rapport à la prison. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est quand même un pays où il y a une incarcération de masse. Je crois que c'est un des pays où, voilà, par rapport à la population, on trouve le plus grand nombre de détenus, et de détenus US et de détenus UES. Et parmi ces détenus, il y a quand même beaucoup plus de femmes noires par rapport au nombre effectif dans la population que de femmes blanches. Ouais, parce qu'on a parlé des femmes, mais c'est une grande série sur le racisme dans la société américaine, mais je pense bien au-delà. Je pense qu'on peut... On peut sans doute reconnaître, je sais bien que la société française, c'est pas la société américaine, mais on peut sans doute reconnaître aussi... Oui, il peut y avoir des points communs. Des points communs avec chez nous. Enfin, on en parlera un petit peu plus tard, mais certains des moments les plus clés sont très parlants du point de vue du racisme. Et je me sens obligé de le dire aux auditeurs, c'est pas une série donneuse de leçons. C'est exactement comme The Wire, une tapisserie d'un système qui fait qu'il y a plus de gens de telle ou telle communauté qui se retrouvent dans ces prisons-là, mais les flashbacks permettent justement de voir les racines. Et d'ailleurs, c'est assez marquant. Donc, il y a les flashbacks le plus souvent expliquent comment la personne s'est retrouvée en prison. Par touche, hein. C'est pas des. Voilà, je précise, c'est pas des flashbacks explicatifs. Oui, c'est ça. Parce que c'est un récit qui joue quand même les méandres, qui joue la vibration plus que l'explication. Et en fait, le plus souvent, les blanches sont là parce qu'elles ont participer au trafic de drogue comme Piper, ou parce qu'elles sont consommatrices de drogue. Le plus souvent, c'est ça. Les délits qui ont amené les Noirs ou les Hispaniques à venir sont bien plus divers et parfois bien plus faibles. Bien plus mineurs, ouais, c'est ça. Mineurs. Elles sont là pour rien, quoi, pratiquement. Hélène ? Oui, non, ça me fait penser à plusieurs choses. Il y a un documentaire très intéressant d'Ava DuVernay qui s'appelle The 13th, qui explique, alors pour le cas des États-Unis, à quel point le fait que la population carcérale, ce soit en très grande majorité des Afro-Américains, ça descend vraiment, les racines se plongent dans l'époque de l'esclavage et la ségrégation qui en découle, et donc il y a cette dimension historique. Et oui, non, sinon je voulais ajouter que au-delà de cette dimension raciale, ça rejoint ce que tu disais, Rachel, il y a aussi... Ça se croise aussi avec des questions de classe sociale et de pauvreté, puisque beaucoup de blanches qui sont en prison, pour le coup, c'est ce qu'on appelle un peu vulgairement white trash. C'est pas des bourgeoises comme Piper. On les voit, elles ont les dents complètement détruites par la meth, et on sait qu'elles viennent, on voit parfois dans les flashbacks, elles viennent de Trailer Park, ça, elles ont grandi dans des caravanes. D'ailleurs, la drogue du zombie là, qui ravage une partie des États-Unis touche énormément de cette population actuellement. Oui. Donc, on voit bien la complexité des rapports de race, de classe, de genre, enfin d'orientation, de classe sociale. C'est-à-dire qu'il y a une addition parfois. Voilà, c'est plus qu'une. Enfin, voilà, c'est des articulations, c'est de l'intersectionnalité. Exactement. Ouais, parce qu'il y a aussi un autre mot qu'on n'a pas prononcé, je ne sais pas si on y a, mais il y a aussi énormément de lesbiennes. Oui. Et de bisexuels dans cette série. Les sites lesbiens américains comptent, il y a plus d'une vingtaine de femmes qui ont un rapport avec une autre femme sans forcément être lesbienne ou bisexuelle, mais c'est énorme dans une série avec un si grand succès. Enfin, la première scène de sexe lesbien arrive au bout de 19 secondes dans le premier épisode. C'est incroyable. Et à plus différents types de lesbiennes. Différents c'est-à-dire que quand types, on a des clichés sur la population des lesbienne, on voit des filles très féminines, d'autres plus camionneuses, voilà, des filles qui assument, d'autres blanches, moins, des noires, des blanches. Latina, un peu moins. Hein, un peu moins les latinas, ouais. C'est vrai. On va attaquer la troisième partie de cette émission, et après cela, après le CD, je vous préviens, il va y avoir un extrait. Si jamais vous ne voulez pas, si vous voulez découvrir Orange is the New Black, n'écoutez pas cet extrait, parce que ça va être un spoiler. Vous ne direz pas que je ne vous avais pas prévenu. Mais voilà, c'est juste après le CD, mais pour le moment on écoute Meryl avec Coca-Cola Mentos. Chez moi tout n'est pas rose, les épines font mal, c'est po-po-po-po-po, chérie, augmente ta dose, pour guérir, ouvre le livre comme noix de Coca-Cola Mentos, ta main sur mon cœur, il explose, oh-oh-oh-oh, en M&M ou en Jo, c'est bon pour manger ton coco-co-co-co, aïe aïe aïe brown skin, c'est pas toi le critère de beauté, je t'ai gardé pour moi, ils n'ont rien compris. Je veux chanter ton nom dans toutes les compis. Jamais je repentis. On peut les ouvrir comme on peut les ouvrir. En activité, la lave, couler, brûler draps. Faut qu'ils s'en souviennent, faut qu'ils s'en souviennent. Viens refaire mon mot, ne les laisse pas dans le même état. Oh, oh, oh, oh, oh, dans le même état. coco, Coca-Cola, Montas. Ta main sur mon cœur, il explose. En MR, en jar. C'est bon pour manger ton coco, coco, coco. Fais dire à ta mère que tu n'habites plus là. Fais dire à ta mère que tu n'es plus là. Augmente ta dose, même si c'est incurable. Pas de mauvaise énergie, développement durable. Chérie, augmente ta dose. Pour guérir, ouvre le livre comme noix de coco, coco, Coca-Cola, Montas. Ta main sur mon cœur, il explose. En MR, en jar. C'est bon pour manger ton coco, coco, coco. Fais dire à ta mère que tu n'habites plus là. Fais dire à ta mère que tu n'es plus là. Augmente ta dose, même si c'est incurable. Pas de mauvaise énergie, développement durable. On est sur Blockbuster avec Frédéric Seglis sur France Inter et c'est super. Good morning. Bonjour. My name. Je m'appelle Tasha Jefferson. Tasha Jefferson. Et je suis détenue ici à Litchfield. Il y a deux jours, notre ami et également co-détenu, Pousse Washington, a été assassiné par un gardien de cette prison. Pousse Washington. Et si je redis son nom, c'est parce qu'on ne le dira jamais assez. Comme vous pouvez le voir, Judy King n'est pas blessée. Judy King ne peut pas parler pour les détenus de cette prison. Elle a été en permanence séparée de nous. Mise dans une cellule privée avec un traitement privilégié et une machine à soda. Juste après que notre ami Pousse Washington a été assassinée par un gardien alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Judy King faisait ses bagages pour rentrer chez elle grâce à une libération anticipée. Parce qu'elle est riche et blanche et puissante. Notre combat n'est pas contre Judy King. Notre combat est contre le système qui se fout complètement des personnes pauvres, des personnes de couleur et des pauvres. Notre combat est contre tous ceux qui ont nos revendications entre leurs mains. Nos revendications que vous devez lire, et d'ailleurs, procurez-vous la liste de nos revendications parce qu'elles sont justes et nécessaires. Et elles montrent que nous avons l'intention de poursuivre notre mouvement pacifique et axé sur le changement. Un extrait de l'épisode 5 de la saison 5 avec Tasha Jefferson alias Testy, interprétée par l'incroyable Daniel Brooks, que vous pouvez retrouver aussi dans la série Peacemaker, et doublée en français par Valérie Lemaître. Alors, évidemment, cette émeute qui a explosé dans cette prison a pour origine la mort d'une détenue, et toute ressemblance avec des événements du réel... Une détenue noire. Ne serait pas fortuit, mais... parce que c'est il y a un gardien en fait qui l'a plaqué au sol, une clé d'étranglement et elle peut plus respirer. Elle le dit I can breathe. Et donc comment cet épisode a été perçu par le public aux États-Unis, Ariane? De façon, on va dire, très contrastée. Enfin, mes camarades me diront éventuellement si c'est pas le cas. Je pense que à la fois, évidemment, que ça démultiplié, amplifié, effectivement, ce qui se passait aux États-Unis, et ça donnait une voix supplémentaire au mouvement Black Lives Matter, mais en même temps, sacrifier un personnage aussi important que Pousse, et Pousse est un personnage hyper attachant, et depuis le début, pas seulement au cours de cette saison 5, c'est-à-dire, c'est une jeune femme qui est elle aussi à l'intersection de plein de choses, puisqu'elle est la fille d'un général, elle est la fille d'un militaire, Elle est noire, elle est instruite quand même par rapport à d'autres, elle vient pas d'un milieu totalement pauvre, mais en même temps, elle est, parce qu'elle est noire, elle a aussi tous les codes de savoir ce que c'est d'être noire dans une société blanche. En plus, elle est lesbienne. Donc voilà, il y a tout ça qui compte, et c'est la meilleure amie, par ailleurs, amoureuse également de Testy, sauf que Testy est hétéro, mais il y a une relation très belle, très fluctuante qui se noue entre ces deux personnages. Bref, je pense que les fans ont été totalement à la fois désespérés, choqués aussi, choqués par ce qu'ils ont vu, parce que ça répercutait ce qui se passait effectivement dans la société américaine, et choqués aussi parce qu'ils n'allaient plus jamais voir pousser. Et justement, est-ce que le fait qu'elle ne soit pas si importante dans la série, c'est pas là que le nœud dramatique a pu jouer son rôle? Est-ce que c'était un personnage important? Si jamais ça avait été un personnage qui était apparu des épisodes avant, mais le message politique, il est là-dedans aussi. C'est-à-dire en sacrifiant, et en assassinant quand même un personnage principal noir. Encore une fois, c'est important. Ça racontait ça, c'est-à-dire Black Lives Matter, c'est-à-dire c'est pas des vies secondaires, marginales, etc. Elles sont là, elles existent, il faut les prendre en compte, et surtout dire que voilà, c'est des personnages principaux au même titre que les Blancs. Mais il faut aussi avoir en tête que c'était une fin de saison, c'était la fin de la saison 4, on reste là-dessus, donc forcément beaucoup de colère, beaucoup d'émotions, notamment de la part des spectateurs et des spectatrices noires, parce que voilà, on sacrifie un personnage représentatif avec une grande violence. Sur le coup, c'est reçu comme quelque chose d'extrêmement violent. Et il a fallu attendre, un an et demi pour avoir la saison 5. Et la saison 5 entière est centrée sur l'émeute des prisonnières en réaction à cette mort, avec des revendications, avec très explicitement des propos pour dénoncer le système raciste, l'oppression institutionnelle. Ça, c'est intéressant. Je voudrais faire le parallèle avec une autre série qui avait essayé de s'emparer de Black Lives Matter, c'était The Good Wife. Ils ont été très réactifs, très vite, ils ont voulu faire un épisode The Good Wife. Et puis, ça n'avait pas très bien marché parce que on restait sur le point de vue du white savior, des sauveurs blancs, des avocats blancs aisés qui se saisissent de ça. Orange is the New Black a réussi à en faire autre chose, parce que là, la résistance, elle vient des concernés, mais avec un gap temporel, une ellipse qui a fait qu'il faut l'évaluer rétrospectivement. Sur le coup, ça a été pas forcément bien reçu. Et ensuite, il y a un traitement plus approfondi, mais un an ou deux après. On arrive à la fin de cette émission, mais j'aimerais également dire aux éditeurs que une des grandes raisons de la grève actuelle des scénaristes et des acteurs, c'est que tout ce casting absolument incroyable, qui a été récompensé, qui a gagné des multiples prix, qui dans des épisodes qui ont été vus par des millions de spectateurs, n'ont pratiquement pas été rémunérés à la hauteur de ce que cette série a rapporté à Netflix. C'est-à-dire que c'est une série qui a été plus vue que Game of Thrones. Certains des acteurs n'ont même pas pu déménager de leur studio. Ont dû garder un deuxième boulot, devaient choisir de leur propre tenue pour aller au gala, parce que les bénéfices n'ont jamais été reversés à ces acteurs. Donc si vous ne comprenez pas la grève des acteurs et scénaristes, voilà, une série comme Orange is the New Black est la parfaite illustration de l'inégalité de traitement, même si elle était extrêmement bien écrite, l'envers du décor, c'est que c'était plus compliqué. Je vous remercie énormément, Rachel Gara, Ariane Hélard, Hélène Breda, d'avoir participé à cette émission pour parler d'Orange is the New Black. Une émission réalisée par Charles De Silia et Guillaume Giraud. Elle a été préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani, avec Marie-Lou Martin, notre stagiaire. À la technique aujourd'hui, Sofiane Acoube, et au mixage, Clément Vuillet. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 pour évoquer vos souvenirs d'Orange is the New Black, ou parler sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Cette prison sent mauvais, Bennett. On va ouvrir les fenêtres, monsieur. C'est pas ce que je voulais dire, Bennett. Je peux m'installer à côté de vous ? Bonjour. Solal, s'il te plaît, ne t'éloigne pas trop de papa. Don't go too far from daddy. Non, je suis pas anglais. Mais avec sa mère, on a décidé d'y parler anglais le lundi, chinois, mandarin le mardi et allemand le mercredi. Vous savez, pour qu'il développe son don des langues. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a mis dans une école Montessori, hein, et pas dans le public. Comme dit sa mère, il faut apprendre à parler l'étranger avant de jouer avec eux. Qu'est-ce qu'elle est drôle, sa mère. Solal, crache le caillou. Speed the stone, Solal. Mais il est extrêmement éveillé. Il est curieux de tout. À 3 ans et demi, il a dévoré toute notre bibliothèque. Noam Chomsky, Naomi Klein, il a tout mangé. Non, littéralement, il a mangé les livres. Et c'est important de stimuler l'esprit des enfants. L'esprit et le corps. Body and mind. Mais on fait ça de manière ludique. Hein. On l'a mis au sport via les mangas, par exemple. Le jeudi, il a volé avec Jeanne et Serge. Le vendredi, il a foot avec Olivier Tom. Le samedi, c'est baseball avec Théo ou la batte de la victoire. Et le mardi, c'est basket avec Slam Dunk. Ah, Solal, you love basket, hein? My dear, papa te parle. What? Fuck you, daddy. Qu'est-ce que t'as dit, là? Qu'est-ce que t'as dit, Solal? What did you say? Come back here. Come back here, petit con. Tu vas voir. I will fuck you up, little piece of shit, Solal. Come back, daddy. Demain dans Blockbuster. Slam Dunk.